la marche de l'histoire. Jean Lebrun. Václav Havel. Dernier hommage à Václav Havel à Prague pour saluer celui qui fut tour à tour dramaturge, héros de la Révolution de Velours et président de son pays. Les cloches des églises de tout le pays ont retenti à midi précise. La foule massée sur l'esplanade assistera au départ du cercueil par la porte dorée du château. Les cendres de Václav Havel seront ensuite inhumées dans le caveau familial du cimetière de Prague, Vinohrady. Václav Havel reposera alors aux côtés de sa première femme, Olga. Pour ce Tchèque, cette reconnaissance du monde est importante. Il s'était retrouvé au château de Prague en 1989, après une accélération en douceur de l'histoire dont il avait été le premier surpris. Il y demeura jusqu'en 2003. Pourtant, disait-il, je n'ai fréquenté aucune école de présidence. C'était la vie qu'il avait formé. Il ne la concevait que joyeuse et partagée avec sa femme, ses compagnons de travail au théâtre et ses contemporains qui traversaient comme lui les infortunes de la Tchécoslovaquie communiste. L'épreuve réelle de l'homme, c'est, croit-on, de réaliser sa vocation. C'est surtout de réaliser le rôle que l'époque vous assigne. Et c'est ainsi qu'insensiblement, Havel était devenu le représentant moral d'un petit peuple que les circonstances ont rendu plus d'une fois exemplaire, et puis c'est aussi, au-delà de son temps et de son pays, un penseur dont les idées politiques sont toujours opératoires. Ce que va nous dire aujourd'hui Jacques Krupnik, bonjour. Bonjour. Vous avez été le conseiller formel, puis informel du président Havel. Vous êtes vous-même né à Prague, école primaire à Prague, dans les années 1950. Jacques Krupnik. 50 et 60. Oui. Et puis vous êtes un des administrateurs de la bibliothèque Havel, qui, à Prague, conserve les papiers, diffuse les idées, les discute aussi devant le grand public. On peut commencer par une petite histoire avant de faire de la biographie. Quand il était en prison, il disait souvent à sa femme Olga, dans les fameuses lettres qu'il lui adressait régulièrement, « Je me souviens du temps où je prenais le tram. Pourquoi, quand je montais dans la deuxième voiture, alors que personne ne me surveillait, je payais tout de même, je devais me sentir responsable. » C'est un maître mot chez Havel, responsable. Oui, c'est la responsabilité pour lui, c'est, comme vous dites, c'est un maître mot. Et la responsabilité, ça commence par des petites choses. C'est pas quelque chose qui se déclare, qui se déclame. C'est quelque chose qui se vit quotidiennement et dans les petites choses. C'est là qu'on mesure, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'assez anodin, payer son ticket de tram. Et puis ensuite, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus grand. C'est-à-dire, il y a derrière le sens du civisme, de l'engagement civique, et plus tard, la notion de responsabilité. Commence comme ça, avec la politique à politique, voilà. Et puis on arrive politique à la politique. Les Tchèques ont une formule qui vient de Masaryk et qui est que le travail, le petit travail, le travail quotidien, le travail organique, et que c'est ça qui amène les grandes choses. Et je crois que chez Havel, on retrouve ça. La responsabilité, comme vous venez de la mentionner, et puis ça se termine dans sa formule, la responsabilité comme destin. Il naît sous Masaryk en 1936, premier président, philosophe et professeur de la République tchèque. Il a 12 ans quand intervient la prise du pouvoir par les communistes, et sa famille, entrepreneur du bâtiment et du spectacle, va se trouver exclu de toute responsabilité. Absolument. Il est fils d'un grand bourgeois, millionnaire, etc. Il est exclu de tout. Et ce qui est intéressant, c'est que à la fois, il hérite énormément de son milieu, non pas financièrement, mais parce que c'était un milieu d'artistes. Grand-père architecte qui a construit à Prague le bâtiment Luzerna, salle de spectacle. Donc il est son oncle qui dirigeait les studios Barrandov, les studios de cinéma. Donc il était d'emblée dans le milieu du spectacle, du cinéma, des arts. Donc ça, il a hérité ça dans sa famille. Mais il se retrouve paria dans une société qui punit, non pas pour origine raciale, mais pour origine de classe. Et donc il n'en nourrit aucune amertume. Il le dit quelque part. Il dit « Je ne suis pas de ceux qui passent leur vie à chercher des excuses. J'ai pas pu faire ceci et cela parce que j'étais puni. » Non. Ça m'a donné, au contraire, une certaine acuité du regard et l'idée que tout ce que j'allais acquérir, eh bien, j'allais l'acquérir par mes propres capacités. Il faut dire que sa famille est plus unie quand elle est appauvrie que plus tard, quand elle retrouvera son héritage au moment où Havel sera président. Et là, la division ira de pair avec la rétrocession. C'est un autre sujet. Famille unie et puis la famille élargie du théâtre. Oui, sa vraie famille, c'est le monde du théâtre. Et surtout, les petites scènes de théâtre à Prague. Parce qu'il y a le théâtre national, il y a le répertoire bien balisé par les idéologues du parti. Et puis, il y a les petits théâtres qui se développent dès la fin des années 50, dans les années 60 surtout. Et c'est là qu'est la vraie créativité, c'est là qu'est l'indépendance. Et c'est là que Havel, de paria qu'il était, rentre par la petite porte dans le milieu du théâtre. Et d'abord s'occupe des décors, et puis commence à écrire, commence à participer, et finalement deviendra un auteur déjà très connu dans les années 60. Mais les années 70 lui seront moins favorables sur les scènes, après la fin du printemps de Prague, auquel il ne participe pas vraiment. Il participe à la résistance contre l'occupation du pacte de Varsovie, mais il ne croyait pas au socialisme à visage humain du printemps de Prague. La normalisation qui est consécutive à l'occupation va évidemment le marginaliser, il va faire du théâtre d'appartement. Et puis, il va être très connu à l'extérieur, c'est à l'étranger que ses pièces vont être jouées d'une autre forme de partage social, puisque c'est ainsi qu'il définit l'art du théâtre. Ici, nous sommes en 1982 à Avignon, il est en prison. Une nuit entière va lui être consacrée par le festival. Avignon, c'est une ville dont le nom lui est familier depuis que sa nurse française lui avait appris une vieille chanson bien de chez nous. Sur le pont d'Avignon, l'on y danse, l'on y danse. Sur le pont d'Avignon, l'on y danse tout en rond. Il est donc 10h du soir, ce mercredi soir, ici à Avignon. Et cette soirée exceptionnelle, cette soirée d'hommage et de soutien à Vaclav Havel va commencer d'ici un instant. On m'a assuré que Havel, dans sa cellule, sait ce qui va se passer ici, ce soir. On l'a prévenu, il connaît, il sait cette communion qui va s'opérer entre le public et entre toute sa famille internationale d'auteurs dramatiques, de comédiens de tous les pays qui se sont réunis pour réussir à faire cette soirée. Le spectacle va commencer à l'heure exacte où dans les prisons tchèques sonne le couvre-feu. Il va se terminer à l'heure du café du matin. Et on peut penser que Vaclav Havel ne va pas beaucoup dormir cette nuit comme s'il entendait les bravos de sa cellule. C'est en musique avec le chant de Charlie Tchoukoup, un chanteur tchèque, que va commencer la soirée. Un petit peu de musique. Il aimait bien bouger, d'ailleurs, Václav Havel. C'était un grand mot pour lui, bouger. Oui, bouger. Et puis alors... Et le théâtre permettait de déplacer et de bouger. Oui, et puis alors, bon, la musique, ces musiciens ont joué un rôle très important dans la dissidence, puisque c'est à travers ce milieu qu'il est sorti du milieu du théâtre pour toucher la jeunesse contestataire et les milieux du rock interdit dans les années 70. On va en entendre du rock encore, c'est promis, Jacques Rupnik. Parmi ses premières pièces jouées à Paris, le rapport dont vous êtes l'objet, alors grâce soit rendue à André-Louis Perinetti, qui en avait fait de la mise en scène à la Cité universitaire et à France Culture, qui en avait assuré l'enregistrement à l'époque. Nous sommes en 71, en pleine normalisation en Tchécoslovaquie. C'est un rapport, monsieur le directeur. Rapport ? Oh, on dirait plutôt un salmi bondi de lettres réunies au petit bonheur. Non, c'est un rapport écrit en pilétipède. En quoi ? Qui vous est adressé. En quoi ? En pilétipède. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la nouvelle norme administrative qu'on instaure chez nous. Mais qui a pris cette décision ? J'en sais rien, mais il paraît que c'est une opération de grande envergure. Parce que Micheline m'a dit que dans sa boîte aussi, ils avaient commencé avec ce truc-là. Hein ? Ah, vous êtes encore là ? Nous sommes venus vous signaler que nous venons justement d'acheter un nouveau cahier. Il est sur le bureau de cours. Tant mieux. Malheureusement, le service des authentifications refuse de l'authentifier. Pourquoi ? Parce que ce cahier n'a laissé aucune trace dans la comptabilité du service des achats, étant donné qu'il n'a pas été acheté avec l'argent de l'administration. C'est pourquoi le service des authentifications conteste son existence. Dis-moi donc, cher collègue. Monsieur le directeur. Vous avez entendu parler de cette nouvelle langue administrative ? Vaguement, oui. Et quel est le but de cette opération? Mais c'est juste une sorte d'expérience. Il paraît que cette langue doit donner au texte administratif plus de rigueur en mettant de l'ordre dans sa terminologie. J'ai bien dit, Couch. La langue administrative d'un système bureaucratique absurde auquel personne ne croit plus. Absolument, cette pièce elle date des années 60 et Havel est très influencé par le théâtre de l'absurde déjà. Son auteur favori, c'est Kafka. Le sens de l'absurde, il l'a donc à travers la littérature et à travers le vécu. Et là, évidemment, il l'applique dans le contexte d'un système communiste où le contrôle s'opère par l'idéologie et donc par la langue. Et par le contrôle des mots, il y a des censeurs et chaque mot compte. Et donc, l'idée dans cette pièce, l'invention de cette langue totalement artificielle, que ne comprennent que quelques initiés qui se baladent en blouse blanche et qui décrètent ceci est authentique ou ceci n'est pas, cette langue, le petit d'épais, c'est devenu un petit peu le symbole d'une novlangue communiste dans une phase où tout le monde savait que cette langue ne signifiait rien et qu'on cherchait d'autres langages pour parler la réalité tchèque. Après la normalisation, même si la grisaille s'est étendue à tout le pays, j'insiste, personne n'y croit plus. Une autre anecdote, une autre image, le marchand, l'étal de légumes, derrière lui, il y a une banderole. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Alors, qui y croit? Marchand qui est au pied de la banderole? C'est la question que pose Havel. Est-ce qu'il croit vraiment que les prolétaires doivent s'unir, etc.? Non. Ce qu'il fait, c'est un acte d'allégeance. Il sait que le pouvoir attend de lui cet acte d'allégeance. On ne vous demande plus de croire, on vous demande de faire comme si. Et toute la société fait comme si. Et elle le fait pourquoi? Parce que elle a peur. Et donc, la gouvernance par la peur et la société qui fait comme si et qui ne croit plus à rien, ça, c'est le fonctionnement du système post-totalitaire. Ça, c'est quand le système ne croit plus lui-même. Les gens qui gèrent ce système n'y croient plus eux-mêmes, et évidemment, encore moins les citoyens qui en sont victimes. Mais le fait même de sortir le signe, de le mettre en vitrine, ça veut dire que j'accepte de participer à ce simulacre. Et en participant à ce simulacre, je le rends possible, je le rends viable, je suis co-créateur de ce système. Et là est l'idée importante de Havel pour la suite, pour tous les débats sur le totalitarisme. Le système, c'est pas seulement les méchants communistes et une société innocente, il dit c'est nous tous qui, à des degrés divers, avons fait fonctionner ce système. Sauf si, moi, je prends, dit-il, mes responsabilités. 1975, il a choisi de rester, il n'est pas parti en exil comme Milos Forman ou comme Kundera. Il écrit une lettre ouverte au premier secrétaire de l'époque, Gustav Husak. C'est quand même étrange d'écrire des lettres ouvertes qui ensuite ne vont provoquer que des inconvénients dans votre vie, alors qu'on sait qu'il n'y aura pas de réponse. Oui, c'est qu'il n'y aura pas de réponse, mais au moins en l'adressant au secrétaire général du Parti communiste, on l'adresse au pouvoir politique. Donc, à ce moment-là, il est clair que sa lettre, qui est une sorte l'état de la nation, l'état de notre société. Et elle s'adresse à toute la société, mais elle s'adresse aussi au pouvoir politique, même s'il ne la lira pas. Et je crois que c'est ce texte que j'ai eu le privilège de traduire en 1975. C'est un des textes les plus profonds, les plus intéressants qu'on ait écrit sur le fonctionnement d'un système totalitaire, sur justement le mécanisme de la peur. On n'est plus dans les années 50 avec la terreur de masse, avec la mobilisation idéologique, le délire stalinien. Non, on est dans un système beaucoup plus sophistiqué de la violence sélective, de la répression qui prend des formes nouvelles, de manipulation, de contrôle. Je crois que c'est un des textes qui est les plus intéressants. Et je vois même chez mes étudiants ici, ou quand j'enseigne aux États-Unis, chacun le lit à sa façon. Mais c'est un texte qu'on peut lire au-delà du contexte dans lequel il a été écrit. Encore un texte qui a beaucoup d'écho dans le monde entier, celui qui va venir ensuite, la charte 77 en 1976, un groupe de rock, toujours le rock, Jacques Rupnik, Plastic People, qui n'était pas nécessairement plus sympathique aux Tchécoslovaques de l'époque qu'aujourd'hui les blasphématrices de Pussy Riot ne le sont aux Russes, est arrêté avec quelques amis, dont Yann Patochka, Václav Havel, ses amis vont devenir 77, signe la charte 77. Quatre intellectuels ont été arrêtés après avoir signé, ainsi que 200 autres personnes, une charte réclamant l'application des accords d'Helsinki. Trois d'entre eux ont été relâchés, mais le quatrième est toujours en prison. Il pourrait être poursuivi, dit-on, devant les tribunaux. Alors, quelles sont précisément les revendications qu'on trouve dans ce document? Eh bien, voici des extraits de la charte 77, lue en français par un réfugié tchécoslovaque. Beaucoup de personnels scientifiques et culturels, ainsi que d'autres citoyens, sont l'objet de discriminations pour la seule raison qu'il y a plusieurs années, ils publient légalement et expriment ouvertement des opinions qui condamnent le pouvoir politique d'aujourd'hui. D'autres droits civiques, y compris l'interdiction expresse de toute atteinte arbitraire à la vie privée et familiale, au domicile et à la correspondance, sont sérieusement violés aussi du fait que le ministère de l'Intérieur... C'est le cher Jiří Slavíček qui... réfugié, avec un travail modeste à Radio France, à qui Radio France a donné la possibilité de lire ce texte, mais Radio France lui a coupé le sifflet assez vite, en chintant le son. Mais, 35 ans après, vous êtes là pour prolonger l'écho de la charte 77. Oui, s'il n'y avait que moi pour le prolonger, ça porterait pas très loin, mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'un manifeste signé au départ par 242 signataires, c'est très peu dans un pays de 15 millions, a eu l'impact qu'il a eu. C'est une espèce de phénomène de boule de neige. Hein. C'est le grain de sable qui s'est introduit dans la diplomatie des accords d'Helsinki. Faut voir le contexte. Les accords Est-Ouest à Helsinki, on veut consolider la détente par geler le statu quo. Mais on signe dans les trois corbeilles, il y a la sécurité, il y a l'économie et il y a les droits de l'homme. On croit que c'est une référence, un alibi pour faire passer la pilule. C'est là que les dissidents, la charte 77 s'introduit, on introduit les droits de l'homme et on pousse l'idée qu'il peut y avoir un Helsinki par le bas, qu'il peut y avoir une détente par le bas. Et qu'on s'adresse aux opinions publiques occidentales et on essaye de recréer une opinion publique dans un système totalitaire. Ça, c'est la démarche originale. On ne s'adresse plus au pouvoir pour lui dire « camarade, changez d'idéologie, la vraie interprétation de Marx, c'est celle-ci ou celle-là ». Non, on ne s'adresse plus au pouvoir au nom de son idéologie, mais au nom des engagements auxquels il a lui-même souscrit. Et je crois que c'est à la fois une protection, mais c'est aussi, ça met l'accent sur un thème qui deviendra important après, l'état de droit, les droits de l'homme et l'état de droit. Voilà le point de départ de la charte 77. Alors, il n'y a pas que Jacques Rupnik qui continue de la lire et de la commenter. Bien des intellectuels ont signé en Chine la charte 08 sur le modèle de la charte 77. Ça va lui valoir 4 ans de prison consécutive, une arrestation encore plus tard. Ça nous permet maintenant... Havel était très heureux de cette initiative chinoise. Il a soutenu, il était en contact direct avec les Chinois. Ses textes sont connus là-bas, discutés. Traduisons en chinois aussi les lettres à Olga. Elles sont le pouvoir 144, sans pouvoir, son essai est traduit en chinois. Il l'a écrit pendant son long séjour en prison. C'est un des plus beaux livres qui soit. Bon, on va tourner une page. On va bientôt arriver à Havel, président. Même installé au château de Prague, il continuera d'écouter, vous le savez, vous étiez à ses côtés, du rock, ici, Les Amours d'une Blonde, Miloš Forman, la Tchécoslovaquie de la jeunesse d'Havel. Bougez, bougez, son mot d'ordre. Když údolí se mlhybá, jipi, jipi je, to se chlapci zas vrací domů zpět. Když sedlo chystá Jimmy, tu zamrazí mě hned. Už vidím jeste v dáli, jak s koněm dál se vlet. Než za útesem zmizí, tu zamává mi hned. Jimmy chlapče, ty s tebou taky jet. když pasky nás zničnou dání. Jipi, jipi, je, tu odvěn nami zpívá. Jipi, jipi, je, když v údolí se mlývá. La marche de l'histoire sur France Inter évoque aujourd'hui avec Jacques Rupnik, qui fut l'un de ses conseillers, Václav Havel, auteur des meilleurs rocks de Madame Hermanova, mais aussi un des grands acteurs de la révolution de velours. Un moment peut venir, disait Ibsen. Un mot peut être dit. Vous et toute votre splendeur s'effondreront. La révolution de velours survient donc en 89, qui surprend Havel par sa vitesse, par sa douceur. Et voilà qu'il va se retrouver, autre surprise, et pour Olga encore davantage, élu par le Parlement. Je vous remercie tous, Tchèques et Slovaques, et toutes les nationalités de notre pays, pour votre soutien. Et je vous promets de ne pas trahir votre confiance et de conduire ce pays vers les élections libres. Ce matin, la cérémonie de l'élection était conduite par l'autre symbole de cette révolution tranquille, Alexandre Dubček, l'homme du printemps de Prague, désormais président de l'Assemblée fédérale. Et c'est à l'unanimité que Václav Havel a été élu, image incroyable de ces députés communistes applaudissant celui qui, hier encore, était l'ennemi numéro un du régime. Autre image incroyable, votre arrivée, celle de vos camarades. Certains faisaient de la patinette dans les longs couloirs du château, là où le pouvoir communiste avait entassé les frigos, les téléscripteurs en liaison avec Moscou, les tapis persans et autres signes de la richesse des communistes. Oui, c'était une période assez extraordinaire où le retournement soudain, en quelques jours, cette révolution a propulsé Havel sur le devant de la scène. Et bien sûr, c'était un grand moment d'improvisation théâtrale. Et pour un homme de théâtre, rien de tel, bien sûr. Il adorait, je crois, ce moment-là. Mais ce qui était formidable, il a tout de suite mis à profit, pas seulement à l'intérieur de son pays, mais internationalement. Il est parti, il a fait une série de voyages à l'étranger qui ont été un véritable triomphe. Il a remis la Tchécoslovaquie sur la carte de l'Europe. C'est un pays qui a été enfermé après 68, qui a connu un grand moment. Et Havel était sceptique sur la possibilité de réformer le communisme, mais il n'était pas sceptique sur 68, en tant que réveil de la société civile et de la liberté. Et donc, là, en 89, on ne cherche plus à réformer le système, on cherche à faire un autre système. Et évidemment, il a des idées au début qui sont des idées confuse, ou en tout cas qui ne colle pas à des schémas préexistants. Et rétrospectivement, c'est la chose sur laquelle on peut s'interroger, c'est est-ce que ce moment-là, ce moment privilégié, où on ne savait pas encore dans quelle direction va s'orienter le pays, est-ce que ce moment-là n'aurait pas été propice pour capitaliser plus sur les grandes idées de la dissidence, l'idée que il n'y a pas de démocratie sans une vraie participation de la société civile, l'idée que oui, c'est bien d'avoir des droits de l'homme, mais encore faut-il pouvoir les respecter, les appliquer. Vous voulez dire que la parole descendait à l'époque de Havel? Président parlait à la radio, comme Mendès France faisait des causeries. Voilà, il faisait quelques des causeries. Décennies auparavant. Il mentait peut-être un peu moins que les autres hommes politiques. Je ferai la comparaison avec Michel Rocard, dont c'est la devise. Mais c'est lui qui parlait. Oui. C'est lui qui expliquait. Alors, il n'était pas le seul. Il était président. Et il avait effectivement ses causeries ou ses discours où il disait un certain nombre de choses importantes. Ses discours peuvent se lire comme de petits essais. C'est lui qui les rédigeait et ce sont véritablement des essais. Ils ont été publiés en France et donc ça c'est très intéressant. Seulement, il n'était pas le seul, il y avait une vie politique et il y avait un grand parti qui se formait là, Václav Klaus, la réforme économique et le marché qui triomphaient. Et je crois que le vrai pouvoir politique, il était en train de basculer à partir de 92 quand ses amis n'entrent pas au Parlement. Le parti qu'il soutenait n'entre pas au Parlement. En gros, à ce moment-là, on va vers une autre situation où Havel reste une figure symbolique au château, mais le vrai pouvoir politique, il est ailleurs, il est dans les mains de Václav Klaus. Surtout que en 1992, les Slovaques choisissent de faire sécession. Alors, Havel démissionne, il accepte néanmoins de se présenter de nouveau en 1993 à la présidence de la seule République tchèque, qu'on ne sait plus très bien depuis ce moment, comment nommer. J'espère que la future République tchèque s'appellera République tchèque. Mais il ne faut pas être trop pointilleux pour ce qui est du nom d'une république. J'ai déjà eu cette expérience. La dénomination de la future république doit s'appuyer sur une habitude, une tradition, et ce nom n'est jamais précis. Pour être exact, la nouvelle république tchèque devrait s'appeler la république civique, démocratique, légitime, centre-européenne, constituée de ressortissants de la nation tchèque, vivant sur le territoire des pays de la couronne de Bohême, comportant bien sûr aussi Moraves et de nombreuses autres ethnies. Et même ainsi, ce n'est pas encore assez précis. Alors il n'a peut-être plus que le ministère de la parole, mais il garde son humour. Pour lui, c'est un moment grave parce que, au principe national que défendent les Slovaques sécessionnistes, ils préfèrent toujours le principe civique d'un côté, l'individu responsable, ou le principe fédératif qu'ils voudraient voir appliqué d'ailleurs mieux à l'Europe. Oui, c'est, si on fait le bilan de sa présidence, incontestablement, c'est le moment le plus douloureux. C'est le divorce tchécoslovaque. Il est le président d'un État qui est en train de se défaire. Et il ne peut pas arrêter le processus, puisqu'il y a des élections. Il y a un leader tchèque qui s'appelle Václav Klaus et la droite libérale. Il y a en Slovaquie un leader qui s'appelle Vladimir Mečiar, qui est un leader nationaliste populiste slovaque. Et c'est eux qui ont le vrai pouvoir, et c'est eux qui décident de divorcer, fort heureusement de façon pacifique, mais laissant Havel sur la touche. C'est pour ça d'ailleurs qu'il démissionne l'été 92. On le lui reprochera, certains le lui reprocheront, d'avoir en quelque sorte quitté le navire au moment où il était en train de couler. Simplement, pour lui, c'est une façon de dire « je ne veux pas participer » à ce divorce. Mais c'est l'échec, effectivement, d'une idée qui n'était pas seulement la sienne, mais qui était héritée de Masaryk. L'idée que la Tchécoslovaquie était un État fondé sur le principe civique. Et là, on revenait à l'idée que voilà, deux États se créent, chacun sur un principe ethnique. Havel, c'était l'éthique, la société civile, la démocratie et le fédéralisme européen. Reste la pensée politique, dont vous maintenez qu'elle est toujours opératoire, jusqu'en Chine, qu'on peut découvrir dans ses textes, souvent publiés aux éditions de l'Aube, dans votre livre consacré à Havel, à la fondation Havel. Et on pourrait finir par cette citation du très beau livre de l'après-pouvoir, extraordinaire volume de méditation sur ce qu'on fait après qu'on n'est plus président. Si je ressemble un héros, ce n'est certes pas parce que j'aurais aimé le devenir. Camille Poux, Jalaguier, Marine Decamp, Sandrine Laurent, Marie Casanova dans l'équipe de la Marche de l'Histoire aujourd'hui.